Si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir j'ai envie de me casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après minuit. M'en veux pas si ce soir j'ai envie. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent. Se faire prendre pour un con par les gens qu'on déteste. Les rendez-vous manqués et le temps qui se perd entre des jeunes usés et les vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour. Et les salons qui bug la couleur de l'amour. Et les gens qui traînent comme je traîne mon ennui. La peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit. Casser la voix. Casser la foi. Casser la foi. Casser la foi. Et les filles de la nuit qu'on voit jamais le jour. Et qu'on couche dans son lit en appelant ça de l'amour. Et les souvenirs honteux qu'on oublie devant sa glace. En se disant je suis dégueu, mais je suis pas dégueulasse. Doucement les rêves qui coulent sous le regard des parents. Et les larmes qui roulent sur les joues des enfants. Et les chansons qui viennent comme des cris dans la gorge. Oh mais crier ça aide comme un chat qu'on dégorge. Car c'est la voix. C'est ce soir. J'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir. J'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir. Et ce soir. J'ai envie de me casser la voix.